dites à Victoire de venir. Me voilà, madame. Ah, oh, c'est bon, c'est bon. Oh, monsieur de Valberg, je suis enchantée de vous voir. Vous avez été hier de la distraction la plus divertissante du monde. Oh, je vous aime à la folie comme cela. C'est pas là le moyen de m'en corriger, madame. Au contraire. Cependant, comme on dit souvent, les contraires se rapprochent quelquefois. Mademoiselle, je veux absolument avoir ma robe. Oui, madame. Donnez-moi une autre ruche, celle-ci me va faire horreur. Asseyez-vous donc, marquis. Mais madame n'a qu'à la rendre si elle n'en veut pas. En cependant, elle est bien faite. Oh, c'est qu'il y a là un pli, attendez. Oui, un pli, voyons. Eh bien, voilà ce que je veux dire, elle va à merveille comme cela. Ayez soin que mademoiselle Dufour m'en fasse une autre toute pareille. Mais je dis tout de même, entendez-vous? Oui, madame, et quand madame la veut-elle? Quand? Oh, mais demain matin, il n'y a qu'à envoyer François tout à l'heure, j'en suis très pressée. Il n'y aura peut-être pas assez de temps. Oh, sans doute, sans doute. Vous trouvez toujours ce que je désire impossible. Et vous viendrez dire après que vous m'êtes bien attachée. C'est que rien n'est plus vrai, madame Mogon. C'est bon, donnez-moi du rouge. Eh bien, monsieur de Valberg, vous ne dites rien. Mais vous ne m'écoutez pas, madame. Oh, pardonnez-moi, pardonnez-moi. Ne parliez-vous pas des contraires? Des contraires? N'est-ce pas, des contrats, plutôt? Ah, cela peut bien être. Victoire? Madame? Je ne sais plus ce que je voulais dire avec vos contrats. Oh, je vous le dirai, moi, quand vous voudrez m'entendre. Oh, mais je vous entends toujours avec plaisir. Aurez-vous du monde aujourd'hui? Non, si vous voulez. Oh, c'est même ce que je voulais dire, car tous les ennuyeux de la ville prennent ce parc pour leur promenade. Victoire, qu'on ne laisse entrer personne. Je m'en vais le dire, madame. Je vous suis obligée parce que j'ai à vous parler très sérieusement. Et ma belle-sœur, pourtant. Oui, madame. Elle raffole de vous, monsieur de Valberg. Moi, je la trouve charmante. Il y a des femmes comme cela qui vous séduisent dès le premier moment qu'on les voit. Victoire, dites qu'on laisse entrer aussi monsieur de Clairvaux. Est-ce la tour? Oh, madame, monsieur de la Tour aussi, je vous prie. Monsieur de la Tour. Oh, bien oui, monsieur de la Tour, je le veux bien. Je m'en vais le dire. Attendez, la liste d'hier. Mais madame a laissé entrer tout le monde. Vous croyez? J'en suis sûre. Eh bien, en ce cas-là, tout le monde. Madame aura-t-elle besoin de moi? Non, non. Cependant, ne vous éloignez pas. Qu'on m'avertisse quand mes étoffes viendront.